sous tricher. D'après où tu fais grand promesse. Mon week-end n'a pas dit passé. Où viens profiter et rentrer en vie en nous. Vita, sa mort, c'est ça que détruit en foyer. Vita, sa mort, c'est cause en nous qui en danger. Le téléphone a cassonné, ou qu'a foudroyé. Laissez-moi te coucher. Moment venu pour faire l'amour. Ou qu'abandonne. Soit disant ou trop fatigué. We're the man.